La campagne de sanctions et de pression de la bande d'Obama contre la République populaire démocratique de Corée atteint à son apogée. À ce propos, le porte-parole du ministère coréen des Affaires étrangères a publié le 6 courant un entretien qui dit notamment « Loin de tirer une leçon des échecs de sa politique coréenne face au changement de notre position stratégique et au courant de l'époque, la bande d'Obama ose chicaner notre dignité suprême. Elle lance à notre face ses biens stratégiques pour nous menacer manu militari et ne cache pas qu'elle vise l'écroulement de notre régime. En vue de nous isoler et de nous étouffer, elle contraint les États souverains à rompre les relations diplomatiques avec nous ou à les dégrader. Ce sont des comportements désespérés du vaincu dans le duel politico-militaire avec nous. Sans égard au principe du droit international universel selon lequel l'État souverain ne peut faire l'objet du pouvoir judiciaire du tiers pays en aucun cas, la bande d'Obama fait pression sur les pays désobéissants à ses intentions et les sanctionne d'une manière séparée ou double. L'essai nucléaire et le tir de fusée balistique ne sont pas stipulés dans la charte de l'ONU comme menace pour la paix et la sécurité internationale. Mais les États-Unis y sont contrevenus pour fabriquer les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU interdisant nos activités d'essais nucléaires et de tirs de fusées balistiques. Ils ont ainsi violé déjà le droit international et sont devenus coupables. Dans un proche avenir, les États-Unis seront placés en face d'une réalité terrible où leur fer de lance contre nous mettra fin à leur existence, au contraire.